Ouais, c'est son foiré. Ouais, libère Mani, mais la foiré, Mani, mais la foiré. Le cul de ta mère, on l'a déjà tapé. On est des attaquants comme Mbappé. J'suis dans la street, j'suis pas sur Bouscapé. J'vais tout casser, même si j'ai pas rappé. Impossible de me rater, t'auras beau faire des prises de karaté. J'compte le genre, j'le cellophane, Mani, t'allumes après. Dans le début de l'après-midi, tu savais pas, j'possède la meilleure crème 09 en moyenne. Black Amé bolivienne, on est des Hayawen. Ramène des Russes, des Hawaïennes. Paris 2017, c'est l'ambiance des sirènes. Les fourgons cellulaires et contrôle judiciaire. J'encule le commissaire et tous les inspecteurs. C'est les cités, dis-moi pourquoi t'as peur. On n'est pas des acteurs. J'y a l'ingé qui coupe le vocodeur. Moi j'en ai dans le moteur. J'commets des actes et c'est bien moi l'auteur. J'traîne toujours avec des revendeurs. J'étais chez moi, j'regardais The Wire. Dehors la série continue, j'ai rendez-vous avec un gueuche et je le fais dans la rue derrière les caméras. Et si je me fais cramer, je ressors prison comme Mandela. Je mérite de faire un opéra là-bas jusqu'à la Jonquera ou dans le trou de balle de Madame Taubira. Une salope m'a dit tu verras, un jour tu m'oublieras. Et elle avait raison, je suis enfoiré toujours dans la maison. Quand j'envoie des sons, je fais vibrer les caissons, je réveille le checkson. C'est moi le grand patron, mais je t'en dirai pas trop. Respecte les narcos, les bragos, les nouveaux macros. La gueule de Rocheka dans la vago, en bas du lavabo. Et petit crasseux, travaille tes abdos, mais travaille les biens. Nous ramène pas ta go, ramène des litrons d'héros par cargo. Je suis dans Paris, je t'en mets plein les narines. Dans la chatte à marine, c'est pas cher la farine. 25 euros le gramme de cocaïne. J'annonce les tarots et c'est pas des sardines, mon ventre crie famine. Faudrait qu'on m'examine, ramène-nous pas le chien, t'as la brigade canine. Quand je fais des sons, ma gueule, toute la cité valide. À moi tout seul, je suis le Real de Madrid. Redemande à Manif, ça a l'air de gens de ma coune. Je connais des mecs dans le nord, mais c'est pas Danny Boone. Ni m'a fait des zooms, à Bergen-Zoom. En Terpen, c'est pas Cancun, y'a plein les machins qui s'écoulent. Meilleur VR au prix discount. Passe-moi le micro, je vais leur faire un discours. Quand y'a les keufs, on fait pas demi-tour, on fait juste un détour. Je connais Nanterre, moi aussi j'ai les tours. C'est la rue, la prison, puis la télévision. La juge prépare une sale exécution. Fais gaffe aux hames cachées dans les buissons. J'oublierai pas de terminer ma boisson. Dédicace et poisson, faire des célébrations. Quoi qu'il arrive, je reste un mauvais garçon. Gros fumeur de garci, je recommande un cocktail et je n'ai rien à l'hôtel. Après ce morceau, je vais casser mon funtel. Libérer Boulakov et tous les trafics en cocaïne. Ces fils de pute veulent me tèche en promenade. Faut que je bombarde à la Kingsley Coman. Je sais pas si c'est normal, le shit, les putes et les verres de Colal. Mauvais récital, la rue, la prison, puis l'hôpital. Algérie, Maroc, Mali, Sénégal, c'est vraiment illégal. J'suis dans mon délire un peu sale. Les Mexicains, les Yakuza, mon cousin chez nous, y'a tout ça. Si tu me crois pas, demande à Moussa, j'vous souhaite un joyeux Hanouka.